quelque temps, le malentendu s'installait. Égoïstement, je n'avais rien vu, je planais. Tu étais trop tendre, j'étais trop pressé, et j'ai pris sans donner. Quand on a compris, il est bien souvent trop tard. Et ce que l'on dit ne peut plus changer l'histoire. Oh non. Quand on a compris, on doit souvent tout. Tu la veux durer sans appel. Et moi, le roi païen, je suis dépouillé, épuisé. Changer.